Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à Puissance maximale sur Sequoia FM, votre émission d'intérêt ludique. Eh bien, cette semaine, émission spéciale, en fait, émission toute spéciale, qui a été enregistrée, et oui, une émission pré-enregistrée, mais pré-enregistrée d'un magnifique événement, J-Anime, G dans le sens de la lettre G, et animé, à Gatineau, convention de manga et d'animation japonaise, qui se sont passés les 5 et 6 février dernier. Moi-même, Mickaël Michaud, votre humble serviteur, en compagnie d'Andrew Castegan, un autre membre de Puissance Maximale. Alors, salut Andrew. Salut Mickaël. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, en fait, dans ces deux jours de convention, qu'est-ce qu'on va faire pour l'émission Puissance Maximale? Ben moi, en tant que tel, je vais participer à 3 panels, dans le fond, des genres d'ateliers, conférences, au niveau de GNME. Un qui va parler des jeux vidéo japonais underground, dans le fond, qui sont des jeux mal connus du monde de Québec, dans le fond, que je vais faire ici là, pour faire connaître ces petits bijoux là à la population. Ou ça, en même temps, je fais un panel au niveau de AMV 101, qui est qu'est-ce qui est l'univers du AMV, les différentes familles et tout le kit. Et aussi, en même temps, je vais faire un autre panel pour parler et présenter au monde de Gatineau notre charmante émission Puissance Maximale. Donc, un 4 heures de conférence-atelier que je vais faire là, pour l'événement. Alors, des événements qui vont être d'ailleurs retransmis sur une adresse Internet que les gens vont pouvoir revoir, que les gens ont pu écouter en direct si ont suivi les nouvelles sur le site Internet de Puissance Maximale. Mais peux-tu juste nous rappeler l'adresse tout de suite? Oui, en fait, vous allez pouvoir me suivre en direct sur le www.live.live. Stream, stream.com/ puissance maximale. L'adresse est disponible sur le site Internet. Donc, on a les ateliers d'Andrew et pour ma part, ce sera des entrevues, vox pop, interventions directement sur le terrain avec les différents acteurs de la convention, donc organisateurs, artisans, invités et bien sûr les festivaliers, recueillir commentaires et appréciations et aussi qu'est-ce qui les a finalement amenés à l'animé et au manga. Alors, je vous rappelle que vous êtes à Puissance Maximale sur Sequoia FM et c'est aussi un site Internet, on l'a dit tantôt, www.puissancemaximale.com où vous pouvez trouver nos émissions, des entrevues, des petits extras aussi et des nouvelles, bien évidemment, avec toute l'équipe, dont François Gécouillard, Vincent Langlois et Monsieur Guillaume Forin, qui est aussi un des membres de Puissance Maximale. Alors, sur ce, nous allons en musique et nous vous revenons avec une entrevue. OK, here we go, top! Please don't do that again. Tu m'expliques un peu mieux comment te dire rien qu'un être, un mot, n'a pas de chance. Ou c'est trop. Mais pour moi, une ex, l'éducation vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Alors, vous êtes à Puissance Maximale, toujours en direct ou en différé, en fait, de G-Animé. Alors, je suis présentement en compagnie de Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et un des organisateurs, un des principaux organisateurs de G-Animé. Salut, Luc. Bonjour. Alors, on est présent, on est là depuis 8 heures dans mon cas ce matin. J'ai vu tout, à peu près tout se mettre en place. Comment ça va présentement à 9h et presque 10h? On est un petit peu en retard sur l'horaire, mais rien de catastrophique. On essaie de terminer la salle d'exposition, mais pour le reste, tout roule bon train. La salle des vendeurs est en train d'ouvrir en ce moment. On va avoir, on a tous nos vendeurs qui sont là. On va avoir beaucoup de ventes et ça va être très bien sur ce point-là avec. Donc là, j'étais présent, j'ai pris un peu de son là, pendant la cérémonie d'ouverture. On avait du chant, on avait évidemment la présentation de l'événement. Et présentement, qu'est-ce qui s'en vient dans la journée, dans les gros événements? Ben, ça commence avec l'enchère célibataire, où les personnes costumées vont se faire vendre pour le week-end. Les profits vont aller à l'Auberge du Cœur, on ne fait aucune scène là-dedans. C'est une œuvre de charité. Ensuite, on va avoir Hubert Corriveau qui va être là pour son en nous montrant une primeur d'un niveau de Deus Ex Revolution. Qui va sortir en mars, qui était reporté, un gros jeu d'Ezios. Par la suite, on va avoir justement, ici j'ai animé avec notre invité Julien Mantern, qui va nous faire un ici Louis-José Hood, mais ça va être avec ça. Je peux vous dire qu'il y en a trouvé des perles rares, des horreurs sur l'animé, sur les dessins animés. D'ailleurs, j'en ai trouvé une couple. D'ailleurs, la tourne des Power Rangers en français, c'est très marrant. C'est surprenant. Bien entendu, on va avoir aussi le squelette dans le placard qui va arriver. On va avoir la mascarade qui va arriver ce soir ici. Alors, on voit que tu es un homme occupé, encore, beaucoup en demande. Beaucoup trop en demande, je crois, oui, avec mon walkie-talkie allumé, c'était une belle niaiserie, ça. Mais c'est ça, on a la salle de jeu qui est prête, on a les tournois de jeux de cartes, tout va fonctionner en temps réel, on a nos consoles de jeux qui vont être données aux gagnants pour les tournois. Mais oui, ben je suis allé faire justement, ben là, on va aller voir. On a l'exposition aussi, si on veut. Ouais. D'ailleurs, je conseille fortement d'aller montrer, de regarder l'exposition de costumes et de modèles de Gundam. On a en haut de 200 modèles de Gundam, une majorité de Perfect Grade, beaucoup de gagnants des concours d'Anime North, entre autres. Mais bien entendu. Puis il y en a là-dedans qui n'ont pas gagné de prix, mais c'est parce qu'ils ont juste pas fait de compétition parce qu'ils auraient ramassé la compétition grave. Puis on a les costumes des grands couturiers qui vont arriver, puis bon, de l'élite. La salle va être placée, va être prête pour 11h. Ben oui, justement, là, puisque les auditeurs de Puissance Maximale, c'est entre autres des amateurs de jeux. Puissance Maximale, c'est une émission, je vous le rappelle, d'intérêt ludique. Je suis allé faire un tour dans la salle de jeu. Impressionnant. On a des machines d'arcade, dont une assez vieille, j'ai pu voir, rouge. Une vieille machine de Nintendo, je sais pas d'où est-ce qu'elle sort, c'est quoi le jeu. Je suis pas au courant de ça, mais pas du tout. Je sais que c'est deux bords avec deux écrans. Elle fonctionne encore parfaitement, ça a l'air. Je vais dire, mon gars qui trouve ça, il fait des miracles. Mais en fait, j'ai pris des photos qu'on va pouvoir mettre sur le site de Puissance Maximale. Ils vont pouvoir voir la machine en question, la relique, là, je vais la surnommer ainsi. Mais on a le jeu, puis j'ai vu qu'il y avait aussi des organisations, justement, de jeux qui sont dans cette salle-là. Peux-tu nous nommer ces organisations? Il y a Ludo Ottawa qui est là avec Game Summit. Puis ils ont leur table, puis ils font leur publicité, puis leurs affaires. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis, bien entendu, on a... c'est ce qu'on a ici. On a aussi le Carton Magica qui organise les tournois de jeux de cartes. Donc, Yu-Gi-Oh! On a une PlayStation 3 pour la première place. Naruto, une console 360. Pokémon, une Wii. Puis World of Warcraft, une PSP. C'est ça. C'est qu'on a des tournois, on a Ludo Outaoué qui est là, on a les jeux. On vient de se mettre avec. On a un Connect 4 GX. Ben oui, j'ai vu ça tantôt. Avec beaucoup de télévision, beaucoup de jeux, de vieilles consoles également. Oui. C'est que les gens qui sont 3DO là... 3DO avec. C'est que juste pour venir pour les jeux, là, pour les amateurs, ça vaut la peine de venir à G-Animé. On a vu d'autres activités aussi. Je sais que là, la mascarade est en branle, la préparation pour ce soir. Tout à fait. Est-ce qu'on a un peu... est-ce qu'on a un avant-goût un peu de ce qui va se passer? Les entrées sont-tu commencées sur place? Ça commence à se prendre, les entrées. L'avant-goût... on va le savoir, je vais le savoir seulement sur place en même temps que vous, en réalité, quand je vais filmer la mascarade. La réalité de la chose est que je suis pas... ça n'est pas qui se décide de se pointer avec les costumes. À mon avis, il va en avoir une coupe. En fait, j'ai vu aussi sur le site que justement la mascarade va être présentée en live sur Internet. Est-ce que tu peux nous rappeler de l'adresse? Mais je n'ai pas l'adresse, mais elle va être disponible sur les... Je pense qu'elle est disponible sur le site. Allez voir sur le site de G-Animé, vous avez toutes les informations pour ça. C'est que les gens vont pouvoir le voir, mais est-ce que ça va être possible de le voir en différé après ou ça va être seulement en vente l'année prochaine en DVD? Je pense qu'on va essayer de voir si on peut pas avoir quelque chose de permanent pour le voir. Je vais en parler avec mon staff parce que c'est quand même assez vendeur pour la publicité. Ah, tout à fait. Donc mais c'est des affaires qu'on va régler cette année, ça c'est sûr et certain. Puis on a aussi le concours d'AMV qui clôture un peu le festival cette année. On a combien d'entrées cette année au concours d'AMV? 65, je crois. 65 entrées quand même. Les juges ont déjà visionné, je crois. Ils ne visionnent pas la journée même. Oui, il reste quelques petites affaires à arranger. Ça fait que ça s'en vient à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement le processus pour le concours, comment ça va fonctionner? Alors, je rappelle aux auditeurs que AMV, c'est Anaheim Music Video, c'est des montages. Le processus, ils ont été envoyés par courriel ou par la poste, par Mega Upload, et ils ont été jugés par les juges, par une brochette de juges qui savent exactement c'est quoi l'AMV. Ils ont une connaissance de l'anime assez profonde, puis ben, c'est ça que ça a donné au bout de la ligne. Puis bon, le jugement, il va le classement va être fait par certains critères. Je nommerai pas les critères, je les connais pas, et on n'est pas intéressé à ce que le public les sache, parce que justement, ça pourrait influencer de beaucoup le jugement. On a une réputation internationale, puis on tient l'air à la conserver avec AMV Canada. Donc, on a AMV, le concours d'AMV qui va clôturer le festival. Luc Biron, est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, pas nous expliquer, mais nous exposer un peu ton festival en quelques mots? C'est pour qui, finalement, G-Animé? G-Animé, c'est pour tous les Québécois, parce que l'animation japonaise, on l'a tous bercé là-dedans. Donc, c'est un endroit qui, pour ceux qui aiment, qui veulent voir des costumes, c'est ceux qui veulent se faire du fun, ceux qui veulent jouer à des jeux, ceux qui veulent faire du social, ceux qui veulent consommer. C'est un événement multiculturel de première classe, et on est celui le premier événement francophone, en majorité francophone, et on va le rester. Et on est un des événements les plus solides que vous pouvez pas trouver sur le marché, avec nos doublages qui sont à peu près non accessibles autrement. On va être là pour une couple d'années, et si une prochaine année édition il y a, ce qui est de fortes chances, je peux vous garantir qu'on va juste améliorer notre qualité d'événement. Alors, un événement sur l'anime japonais, le manga, on a des jeux, on a des défilés de mode, des expositions. Bref, un événement complet pour tous les amateurs. Je parlais avec M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et un des principaux organisateurs de G-Animé. Merci, Luc. De rien. À la prochaine. Alors, on va continuer avec l'émission Puissance Maximale en musique. On vous revient tout de suite après. Croire en ce pays, cher est le prix, celui du pêcher à votre table. Je suis coupable, capable de tricher. L'aigle royal est si loyal envers la liberté. Tu m'inviteras pas, non, là, au frère. Tu m'inviteras pas, non, là-bas sur ta terre. Un soldat, deux soldats, combien tu l'auras? J'en ai 203, go, trois soldats. Quatre soldats, cinq soldats, six soldats, il y a. Pour régler mon corps, combien de soldats? Dans le creux de ma main, rendez-moi donc sur la place publique avant demain. L'aigle royal est déloyal envers même son prochain. Tu m'y verras pas, non, là, faux frère. Tu m'y verras pas, non, là-bas sur ta terre. Un soldat, deux soldats, pour mieux tu l'auras. J'avais 203, go, trois soldats. Quatre soldats, cinq soldats, six soldats, il y a. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et on va poursuivre avec une des membres un peu de l'organisation de G-Anime cette fin de semaine, la directrice de la mascarade, Anne-Marie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Et on veut expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce qu'une directrice de la mascarade. Parce que la mascarade, on sait, c'est un concours de costume, de cosplay, en tout cas dans le cas qui nous intéresse. En quoi consiste ce poste-là? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour s'assurer que la mascarade se passe bien? Quand est-ce que ça commence premièrement, ce travail-là? Bien, le travail commence plusieurs mois avant la convention, où il faut faire les règlements, réviser les règlements, trouver tout le monde qui va travailler pour nous, dont les maîtres de cérémonie, les juges, les den parents, ceux qui vont garder en tant que tels les participants. On a aussi nos techniciens de son, nos techniciens de scène, nos ninjas, nos personnes qui vont prendre les photos pour les juges. Donc, on commence tout ça bien avant. Il faut faire aussi la feuille d'inscription. Il faut s'assurer que tout le monde est entraîné. Il faut trouver notre scène aussi, ce qui est très important. Sinon, le monde, ils vont le faire par terre. C'est pas super. Donc, ça commence plusieurs mois d'avance. Donc, une grosse équipe quand même. C'est pas juste deux, trois personnes qui sont là pour juger un concours. Il y a beaucoup de techniques en arrière de ça. Dans les membres qu'on a entendus, on a entendu les ninjas. C'est quoi les ninjas? C'est des ninjas de scène, c'est ça? Oui, c'est des ninjas de scène. C'est les metteurs en scène. C'est ceux qui sont sur le côté qui vont pousser les participants sur scène s'ils en ont besoin. Ceux qui vont les vérifier parce qu'à l'arrière-scène, c'est noir, qu'ils ne s'enferchent pas, qu'ils ne se brisent pas, qu'il n'y a pas de morceaux de costume qui tombent. Donc, ils vont les aider à monter sur scène parce qu'il y a des marches et à descendre de scène. Et il y en a aussi à l'avant de la scène pour être sûr qu'ils ne tombent pas en bas. Puis on s'assure finalement dans une mascarade que tout le monde est en sécurité puis que tout le monde se sente bien. Tu as parlé tantôt des den parents. C'est quoi le rôle de ces personnes-là? Je pense que c'est dans la salle d'attente, c'est ça? Oui, c'est dans la green room, qui est la salle d'attente, en fin de compte, de la mascarade. Les den parents, ce sont les personnes qui vont donner les instructions aux participants, qui vont calmer les participants, qui vont les nourrir, s'assurer qu'ils ne se déshydratent pas. C'est vraiment des parents. On les appelle surtout les den parents parce que den mom, den dad, c'est très long. Puis il y en a toujours des deux sexes. Mais c'est ça, les gens peuvent attendre combien de temps et surtout pourquoi doivent attendre cette durée de temps-là dans la green room avant la mascarade? C'est quoi les raisons? OK, bien, ils doivent attendre environ 3 heures, mais il y a toujours un laps de temps où est-ce qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est pour avoir le temps de passer à l'inscription, s'assurer que toutes leurs informations sont correctes, si jamais ils gagnent des prix et qu'ils ne sont pas présents, qu'on puisse leur envoyer par la poste, qui passent à la photo pour les juges, parce que quand les juges ont vu 40 personnes, après ça, ils regardent le nom et ne savent plus de qui ils ont vu, qui passent au MC, pour s'assurer que le MC prononce leur nom comme du monde, et où s'il y a des mots japonais, le MC ne parle pas japonais, qui prononce comme il faut. Il faut qu'ils parlent aux ninjas, s'il y a besoin de ninjas, s'il y a besoin d'avoir du monde qui sort de scène, embarqué sur scène, des problèmes. Et il faut qu'ils rencontrent tous les juges. Donc, ils doivent rencontrer les juges pour qu'eux puissent évaluer sur place, parce que l'évaluation se fait aussi avant que les personnes se rendent sur scène. Oui, c'est qu'il y a deux volets à la compétition. Il y a le volet présentation qui est sur scène. Donc, c'est des prix pour la présentation sur scène. Donc, si on a de la musique, si on a fait le personnage comme il faut et des affaires de genre. Mais il y a aussi toute la compétition de costumes en tant que tel, de fabrication. Et ça, on ne peut pas regarder la fabrication en dessous de la jupe quand ils sont sur scène. Donc, ça se fait tout avant. Donc, très sérieux, il y a des grades. C'est quoi un peu l'univers de la mascarade? Parce que ceux qui vont... Parce qu'on se l'est dit hors d'onde tout à l'heure, c'est un peu le même principe dans les autres types de conventions, que ce soit en science-fiction ou même en comics ou des trucs du genre. Mais on voit que c'est quand même assez sérieux. Il y a quelque chose de rattaché à ça. C'est pas seulement d'arriver là puis de recevoir un prix. Il y a d'autres choses. Bien, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a des grades au niveau, puis il y a des niveaux de compétition. Il y a les compétitions régionales qui sont des plus petites conventions qui vont avoir des prix qui vont être qui sont aussi importants, mais qui vont être plus de niveau régional. Ensuite, on a des compétitions nationales et on a des compétitions à l'international. Et il y a toujours 4 grades, novice, intermédiaire ou aventurier, comme on les appelle ici, artisan et maître. Donc, on peut monter en catégorie. Plus on monte, plus ça devient difficile. Donc, ici, à Janimé, on peut qualifier cette mascarade-là à quel niveau? C'est une régionale. Une régionale. Donc, les gens peuvent obtenir un prix ici, peuvent aller après ça dans d'autres conventions pour aller compétitionner à ce niveau-là. Est-ce que les gens, une fois qu'ils ont atteint un niveau, au niveau régional, peuvent aller, à partir de ce niveau-là, aller, disons, au national, ou il faut qu'ils aient gagné un niveau au national, par exemple, disons, passer de novice à intermédiaire, par exemple? Pour compétitionner comme intermédiaire, est-ce qu'il faut gagner ce niveau-là au national ou on peut le gagner au régional avant? On peut le gagner au régional. Au niveau du régional puis du national, il n'y a pas grande différence, excepté que si on gagne au national, la majorité du temps, on ne peut pas représenter le même costume sans modification à la compétition régionale, parce que c'est comme tricher. Je vais aller jouer dans le cours des grands, puis après ça, je vais aller planter les petits culs. Ça ne marche pas de même. D'accord. Puis là, on a vu, c'est ça, là, hier on était là, on était sur place. C'est quoi le processus pour quelqu'un qui veut s'inscrire, par exemple? Il s'est fait un beau costume. D'ailleurs, c'est quoi la caractéristique pour être accepté dans une mascarade? Est-ce qu'on peut arriver, par exemple, avec un costume qu'on a acheté dans un magasin puis se présenter? Il faut absolument qu'on ait fait le costume. Que ce soit même qu'on ait acheté tout le costume, on a fait le chapeau, on va présenter le chapeau en compétition. On ne peut pas présenter un costume qui est 100% fait en compétition. On peut le rentrer hors compétition, on va embarquer sur scène puis il reste des trous dans la mascarade. Sinon, il faut vraiment qu'on l'ait fait. Et pour s'inscrire, il faut juste se présenter à la table d'inscription qui est ouverte normalement le vendredi. C'est une convention de 3 jours, c'est ouvert le vendredi, le samedi, jusqu'à midi. C'est une convention d'une journée, c'est normalement le samedi matin. On remplit les informations qu'il y a sur la feuille puis on leur donne le CD si jamais vous voulez de la musique. Mais est-ce que dans certaines conventions, c'est possible pour les jeunes, disons, de s'inscrire à l'avance? Ou habituellement, la procédure, c'est toujours de se présenter à la porte pour l'évaluation se fait là, finalement? Bien, il n'y a pas vraiment d'évaluation. N'importe qui peut rentrer tant et aussi longtemps qu'ils ont fait quelque chose sur le costume. On n'a absolument aucun barème. Il ne faut pas que tu aies fait plus de 50%. Il faut que ça soit fait à la main. Ça n'a absolument aucun rapport. Tant que tu as un costume et que tu as fait quelque chose dessus, tu peux te présenter. La majorité des places ne font pas des inscriptions d'avance parce qu'il y a beaucoup de logistique informatique derrière. Mais la majorité des places vont mettre la feuille d'inscription en ligne qu'on va pouvoir imprimer et remplir d'avance. Comme ça, on n'aura pas besoin d'essayer de lire les pattes de mouche de tout le monde si c'est tapé à l'ordinateur. Alors, tantôt, on a parlé justement du processus, ce qui se passait. Mais ton rôle à toi, en tant que directrice, tu es une genre de coordonnatrice de toute l'équipe que tu as nommée au début de l'entrevue, de toutes ces personnes-là, où tu dois avoir aussi d'autres tâches à accomplir, autres que coordonnatrice? Bien, le gros de la job, c'est être coordonnatrice. Mais ça, c'est quand tu as une équipe qui est formée. Sinon, il faut que tu fasses la majorité des jobs et que tu patches un peu partout. C'est surtout la personne qui roule le show. C'est la personne qui va vérifier que tout le monde est passé au juge, que tout le monde est passé partout, que tout le monde a eu les instructions, qui dit quand est-ce que le show commence, comment est-ce que le show, qui parle au tech. C'est vraiment la personne qui gère le tout. Donc, coordonnatrice, quelqu'un qui est là sur le plancher lors de l'événement, qui est là bien des mois avant. Donc, ça demande beaucoup de temps, une tâche importante. Est-ce que tu avais cette année une équipe pour t'aider, pour t'épauler à Jenny May? Est-ce que ton équipe était justement une équipe expérimentée ou tu as eu justement un rôle de formatrice cette année? Non, cette année, j'ai été très chanceuse. C'est ma deuxième année à Janimé. J'ai été formatrice beaucoup l'année passée. J'ai eu toute la même équipe, à part pour 2-3 personnes, qui ont été très, très bien formées d'avance. Donc, non, j'avais une équipe très bien formée, qui est la même équipe qui se promène un peu partout au Québec pour faire les conventions. J'étais là hier. Moi, j'ai assisté à une partie de la mascarade. Puis je peux confirmer effectivement que ça s'est quand même très, très, très bien passé. Il y a eu de la belle compétition. Mm-hmm. Mais ton bilan à toi pour cette année pour Janimé, qu'est-ce que tu as pensé de la compétition? La compétition était féroce. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de magnifiques costumes de monde avec énormément, beaucoup de talent, soit en couture, soit en présentation, ou les deux, ce qui est encore pire. Parce que dans ce temps-là, ça fait en sorte que la job pour les juges est vraiment difficile. Mais la compétition, c'est super bien passé. Il n'y a pas eu de glitch de son. Ça a été un charme. Ah, bien, excellent. On est content de l'apprendre. Bien, Anne-Marie, directrice de la mascarade de Janimé 2011, je te remercie beaucoup. Alors, merci à tous les auditeurs et on vous revient après ceci. Alors, présentement, je suis en compagnie d'un des invités de Janimé de cette année 2011, M. Benoît Cécire. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pu lire, justement, dans la présentation des invités de cette année, M. Cécire est travailleur en animation, a travaillé pour, entre autres, Atkinson Film, et on se demandait, finalement, avec l'équipe de Puissance Maximale, quel était votre travail, quel est encore votre travail dans le domaine de l'animation? Bien, pour l'instant, je ne travaille plus vraiment en animation. Éventuellement, je vais y retourner. C'est parce que les choses ont quand même changé beaucoup dans les 10 dernières années. On a passé de l'animation traditionnelle dessinée à l'animation par ordinateur principalement. En fait, c'est pas mal comme ça que c'est au travers le Canada maintenant. Tout ce qu'on voit qui est produit au Canada est produit par ordinateur. Alors, moi, je suis juste en train, justement, de me reformer, comme on pourrait dire, puis retourner après ça dans ce travail-là, que je trouve très passionnant. Oui, c'est ce qu'on a pu lire aussi, c'est ça, dans la présentation du guide. Tu sais que vous êtes, justement, en formation pour de l'animation informatique. Puis j'ai lu aussi que vous aimiez débattre des différents types d'animation. Justement, quelles sont vos opinions par rapport, justement, à ces différents types d'animation? Est-ce que vous avez un type d'animation préféré, entre autres? Ben, parce que j'ai travaillé en animation traditionnelle, c'est évident que traditionnelle est ce que je préfère. Personnellement, à cause de l'esthétique, de l'allure, de la vitalité des personnages lorsqu'ils bougent. Maintenant, aujourd'hui, tout est fait avec les programmes Flash. Et le problème avec la façon qu'ils utilisent le Flash, c'est pas le programme lui-même, c'est de la façon qui est utilisée. On utilise plus des pantins qu'on fait bouger maintenant par ordinateur. Et ça fait un peu rigide comme mouvement, moins vivant. Il y a certaines compagnies qui commencent à utiliser de l'animation qui utilise le traditionnel avec le flash et qui donne des résultats absolument incroyables. Mais ça, c'est juste un début. Ça reste encore à voir comment l'animation pour la télévision va continuer à évoluer. Selon vous, on est en train d'être témoin finalement de l'évolution. On sera encore à l'évolution justement de cette animation-là par ordinateur? Oui, je pense que c'est parce que c'est assez avancé comme c'est là dans les cinémas, mais pour la télévision, qu'on est en train d'embarquer dans les premiers pas à nouveau. On a reculé un peu, on a régressé un peu sur la qualité, mais je doute fort bien que les choses vont rester à l'état qu'ils sont présentement. Il y a des gens qui vont vouloir voir quelque chose de mieux à l'avenir. Et il y a déjà des débuts, il y a quelques compagnies qui ont commencé à montrer un intérêt à avoir une meilleure qualité dans leur animation. Mais là, c'est juste un début. C'est quand même excitant parce que justement, il va y avoir de l'expérimentation. Ça reste à voir. Mais est-ce que vous pourriez me dire si, selon vous, ce retard-là, si on peut dire, d'animation à la télévision, est-ce que c'est seulement une question de budget ou est-ce que les producteurs ou les diffuseurs sont un peu encore réticents à investir dans ce domaine-là ou ils veulent pas tout simplement pas y aller? Ben, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est que un des problèmes, c'est que l'attitude des producteurs et peut-être même aussi du public, c'est que l'animation, c'est encore un peu pour les enfants. Et alors, ça fait un public restreint. On ne veut pas essayer de s'ingérer dans le côté adulte. Alors, ça fait qu'on ne met pas autant d'argent là-dedans. Donc, effectivement, le choix de Flash est définitivement une question de budget. Mais comme je dis, il y a une réticence, il y a un manque de croyance aussi dans le médium un peu. Alors, ce que ça va demander, c'est des gens qui vont être prêts à prendre un risque. Comme je dis, il y a une compagnie, par exemple, en France qui a commencé justement à essayer de prendre un risque puis qui sont en train d'avoir un certain résultat en France. Leur show est numéro un en France, comme c'est là, et puis qui s'appelle Wakfu. Ils utilisent Flash, mais ils utilisent également l'animation traditionnelle ensemble. Et le résultat est très, très beau. Je leur souhaite vraiment du succès. Et si effectivement ils viennent ici et ils ont du succès, ça pourrait affecter comment les studios voient l'animation pour télévision. Mais dans les projets sur lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Et dans ces projets-là, est-ce que vous voyez, est-ce que, comme vous nous avez dit plus tôt, Monsieur Cécile, vous êtes présentement en formation, en ajustement justement pour les nouvelles technologies. Mais avec dans les projets que vous avez travaillé, est-ce qu'il y a des projets encore qui sont toujours en onde et qui ont un peu basculé vers cette animation-là? Pas vraiment. La plupart des choses que j'ai travaillé dessus, c'est encore en onde. Il y a encore des gens qui me parle de Teddy Ruxpin, par exemple. Alors, celui-là semble revenir une fois de temps en temps. Puis ça, c'était le premier show que j'ai travaillé dessus. Alors... Ben oui, ben on a une liste ici là, que je peux énumérer à nos auditeurs. On a Teddy Ruxpin qui est venu nous dire, Denis La Malice. On a Les Amis Ratons, finalement, c'est tous des titres que la plupart des gens, en tout cas, de ma génération, moi j'ai 27 ans, ouais. j'ai écouté ça quand j'étais jeune, des shows que j'ai beaucoup appréciés d'ailleurs. Vous avez The Nutcracker, Prince, Papyrus, Monster Force, For Better or For Worst, Blazing Dragons, Watership Down, on a The Tales from the Crypt Keeper, Magical Bus, on en a encore une grande liste comme ça, et je vais continuer à les dire parce qu'il y a encore des titres très, très, très, qui sont très connus. Pink Panther, Ace Ventura, Arsène Lupin, The Critic, Sneeze, and Fondue, and Spicy City. On a une grande liste, justement, de projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc, vous êtes un artisan un peu... vous avez travaillé sur des rêves d'enfants de plusieurs d'entre nous. Oui. Puis est-ce que vous sentez un peu le retour de cette... Un retour du rétro, finalement. C'est parce qu'on a vu, justement, avec Télétoon, qui a lancé une chaîne il y a déjà, je pense, 2-3 ans, à chaque convention où on va en animation, que ce soit en animation japonaise ou autre, il y a toujours un volet rétro. Est-ce que vous pensez, justement, avec la culture geek qui prend de plus en plus de place avec les technologies, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retour vers la diffusion de ces séries-là plus massive, ou est-ce que vous voyez, finalement, un regain d'intérêt pour ces séries-là? Ah, moi, je m'y attends définitivement parce que ceux qui ont grandi avec ces séries-là deviennent les producteurs plus tard. Ça va être leur goût qui va commencer à influencer ce qu'ils ont vu. Pas juste l'animation nord-américaine, l'animation japonaise aussi. On commence à voir justement des changements comme ça. Avatar The Last Airbender est un excellent exemple de ça. C'est quelque chose qu'il y a 10 ans avant la série commence, tout au moins, on n'aurait jamais imaginé faire. Mais il y a des nouveaux producteurs qui, justement, vont influencer la programmation. Alors, oui, je m'attends un peu à ce que ces vieilles séries-là influencent l'avenir. Pour terminer un peu cette entrevue, j'aurais une question à vous poser, justement, sur le cinéma, finalement, qui est influencé par l'animation. On a de plus en plus de séries, entre autres sur les super-héros américains, des comic books américains, mais de plus en plus de séries animées qui deviennent des films en live action. Est-ce que vous pensez que c'est pour le mieux, pour ce genre de séries-là? Est-ce qu'on redécouvre les séries de cette façon-là? Ou au contraire, selon vous, on perd un peu de l'esprit initial de ces séries-là, puis on devrait peut-être faire plus attention à la qualité avant de sortir de ce genre de projet-là? Bien, effectivement, ça dépend justement de qui est-ce qui s'occupe de la production. Quelqu'un qui le fait parce que l'animation semble être in, risque justement de faire un désastre. On peut penser au film de Dragon Ball dans cette ligne de pensée-là. Mais quand on a quelqu'un qui, par contre, connaît le matériel et veut y faire honneur, bien là, on peut espérer un projet intéressant qui va peut-être faire connaître aux gens qui ne connaissent pas l'animé, qui est encore beaucoup de monde. L'animation japonaise, malgré son essor, et quand même par le public général nord-américain, est encore pas entièrement acceptée. C'est toujours les mêmes arguments qui reviennent contre. Ça pourrait ouvrir justement les portes, si les films sont bien faits. Par exemple, un que j'aimerais bien voir, c'est Battle Angel Alita par James Cameron, qui semble lui connaître le matériel assez bien et qui semble vouloir lui faire honneur. C'est juste une question quand est-ce qu'il va commencer, c'est tout. Ouais, parce que ça fait quand même un bon bout de temps, je pense, que l'information a été propagée que oui. James Cameron s'est intéressé à cette franchise-là. Oui, ça fait un bout de temps, mais c'est parce qu'il y a souvent plusieurs projets, puis celui-ci revient souvent à la surface. Il en parle encore, il en a parlé encore récemment. Alors, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui a mis complètement à ses lettres. Il l'a pas oublié, il est intéressé. C'est juste une question quand est-ce qu'il va pouvoir embarquer dessus. Mais celui-là, j'aimerais le voir. Quelqu'un d'autre, je serais moins certain. Alors, M. Benoît Cécire, travailleur en animation, invité à Janimé, je vous remercie pour cette entrevue. Et je voudrais remercier aussi les auditeurs qui sont fidèles. Et on continue en musique à puissance maximale. Alors oui, nous sommes de retour à Puissance Maximale sur CKIA FM. Alors, j'ai avec moi un autre invité de Janimé en ce 5 février, M. Hubert Corriveau, qui travaille avec Eidos Montréal. Alors, bonjour M. Corriveau. Bonjour. Alors, vous êtes ici aujourd'hui à Janimé pour nous parler un peu de votre rôle, de votre métier, mais aussi du projet sur lequel vous travaillez et en quoi consistent en fait vos fonctions chez Eidos Montréal. Eh bien, moi, je travaille en tant qu'artiste d'environnement chez Eidos Montréal. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un tableau dans un jeu, un monde ou un niveau de jeu. Tout simplement, je fais le monde virtuel dans lequel le joueur navigue. Je travaille présentement sur Deus Ex Human Revolution, qui devrait sortir en 2011, qui est un projet fait par Eidos Montréal. Donc, Deus Ex qu'on connaît déjà, qu'on connaît un peu. Puis pour les joueurs, justement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la franchise, est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'univers de Deus Ex? Bien sûr. Deus Ex est un jeu, le premier Deus Ex se passe en 2050. Deus Ex Human Revolution se passe en 2027. C'est un jeu de science-fiction dans lequel les gens commencent à devenir augmentés. On joue augmenté, c'est-à-dire ils remplacent leurs bras par des membres cybernétiques ou leur cerveau par un cerveau mécanique, un ordinateur. On joue le rôle d'un agent de sécurité qui s'assure, ben en fait, qui doit un peu uncoverer, qui doit un peu enquêter sur une conspiration mondiale qui a lieu. Ça rentre beaucoup dans l'optique de Deus Ex, qui est vraiment une question de un jeu de conspiration. Ça tourne autour de un peu toutes les conspirations qu'on entend parler, les Américains, Area 51, des affaires de même. Deus Ex parlait de ça. Nous, on est un prequel à Deus Ex, le premier. Et on essaie de parler des événements qui vont mener à la ruine du monde qui a été représenté dans Deus Ex Human Revolution. Donc, c'est un monde futuristique, très cyberpunk, très... très technologique, très... l'inverse d'être utopique, en fait. Pas un monde exactement beau, vivre, mais très riche. Parce qu'on sait que la franchise, ça fait quand même quelques années que le premier volet, que les joueurs ont pu découvrir le premier volet. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose d'un peu similaire pour le gameplay? Ou est-ce qu'on doit s'attendre à une autre expérience? Je sais que vous ne pouvez pas tout dévoiler, mais est-ce que les joueurs qui connaissent la franchise Deus Ex peuvent s'attendre à de grandes nouveautés par rapport au gameplay ou à autre chose dans le jeu? Notre grande, grande priorité sur le projet, c'est de s'assurer que c'était le plus près possible de Deus Ex, le premier jeu. Je peux dire que ceux qui ont aimé Deus Ex devraient aimer le troisième, c'est-à-dire Deus Ex Human Revolution, mais au niveau des nouvelles fonctionnalités de jeu, vite de même, je suis pas trop certain de quoi on... Je te dirais qu'on s'est plutôt concentré à refaire un jeu semblable qui garde la même essence, avec un monde beaucoup plus riche, beaucoup plus développé, que de faire un jeu différent, en fait. On n'a pas visé sur les nouveautés, mais sur s'assurer de faire plaisir aux gens qui ont aimé le premier. Finalement, s'assurer que l'évolution de la franchise arrive à terme, arrive à une certaine maturité, finalement. Bien entendu, c'est sûr qu'il faut adapter le jeu à la technologie d'aujourd'hui et aux attentes d'aujourd'hui du marché. Et c'est certainement là qu'on a eu à dépenser le plus gros de nos attentes, de nos travaux sur le projet. Votre rôle, vous disiez que... Vous avez parlé un peu de votre rôle, justement, dans la construction de ce jeu-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail c'est quoi la job? À part, on sait que designer un peu un tableau, mais vos relations, disons, avec les autres membres de votre équipe, vos relations que vous devez faire avec les character designers, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de relations que vous devez faire entre ces personnes-là ou vous êtes plus en vase clos avec votre équipe? En fait, il y a beaucoup de relations entre l'équipe. C'est un peu comme une équipe de hockey ou une équipe de baseball. On est beaucoup de gens, on est une centaine de personnes, mais on travaille vraiment en équipe pour arriver à ce résultat final-là. Parce que le travail de chacun dépend du travail des autres. Donc, en parlant de ceux qui vont travailler sur les personnages. Les personnages doivent interagir dans les environnements. On doit travailler avec les personnages pour ça, avec les modeleurs, les personnages et compagnie, pour s'assurer que les choses fonctionnent en bout de ligne, que le jeu puisse fonctionner. Donc, est-ce qu'on doit s'attendre à un environnement très vaste pour Deus Ex, où on va se confiner peut-être à je veux pas non plus avoir... on veut pas qu'on nous vole de punch, mais est-ce que ça va être un environnement très vaste où le joueur va pouvoir évoluer, finalement? C'est un environnement très vaste. C'est des grands niveaux. On n'est pas du tout dans le monde ouvert de type Fallout ou quelque chose du genre, mais on n'est pas du tout dans le Call of Duty non plus, où on va marcher dans des corridors. C'est des mondes ouverts où le joueur a un choix. Le choix est important dans Deus Ex, c'est comment atteindre son objectif. Est-ce qu'on veut tuer des gens ou est-ce qu'on veut pas tuer des gens? C'est important dans l'histoire du jeu. D'autres méthodes aussi. Quand on arrive à une pièce, on a un choix de la skipper, d'aller ailleurs, de trouver différentes façons d'atteindre un objectif, que ce soit de voler une puce informatique à une compagnie quelconque. On a des villes, ce qu'on appelle des city hubs, dans lesquelles, là, c'est plutôt des environnements ouverts, où le joueur doit explorer, un peu comme si c'était la plus grande ville d'un Final Fantasy possible, une ville où on doit parler aux gens, découvrir de l'histoire. Ces villes-là sont sensiblement immenses. On parle pas d'un Assassin's Creed, mais c'est des grandes villes. À l'intérieur de ces villes-là, il y a le gros de la découverte de l'histoire, de l'univers, qui est immensément riche à découvrir. Ouais. Donc, bien connaître l'environnement, ça va être très important pour le joueur, si je comprends bien. Et aussi, il y a une moralité, aussi, il va y avoir des choix à faire. Est-ce que l'impact de ces choix-là va amener un peu à la jouabilité du jeu? Est-ce que ça va redonner le goût d'aller explorer les autres options? Oui, c'est l'essence de Deus Ex. Si vous connaissez Deus Ex, c'est l'idée de vouloir rejouer après pour voir qu'est-ce qui se serait passé si j'aurais pas tué cette personne-là. Parce que l'histoire essaie de supporter les choix que les joueurs font. Ça s'applique à plusieurs niveaux du jeu en tant que tel. L'environnement est très interactif. Le but, c'est de pouvoir analyser l'environnement, deviner comment je peux faire pour rentrer dans une salle des serveurs. Est-ce que je vais éviter les gardes? Est-ce que je vais tuer les gardes? Est-ce que je vais passer par ailleurs directement? Si je tue les gardes, ça a un impact plus tard. Plus tard, quelqu'un ne t'aime pas. Tu n'avais pas d'affaire à tuer des gens dans cet endroit-là, puis tu vas perdre des relations ou tu vas avoir plus de misère avec une faction quelconque du jeu. Donc, il faut s'attendre à un jeu. On va pouvoir revenir au jeu, explorer une morale, explorer un environnement qui va être important pour le joueur. Ben, Hubert Corriveau, développeur d'environnement chez Eidos Montréal, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Alors, on est de retour finalement avec Puissance Maximale et on retourne en musique. We'll be right back. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Eh bien, c'est déjà tout pour l'émission Puissance Maximale de ce lundi 7 février 2011. Andrew, est-ce que d'abord, je veux te remercier, Andrew, d'avoir participé à cette émission. Et as-tu un dernier mot un peu sur ton expérience, ce qui s'est passé finalement en fin de semaine? Fin de semaine très occupée. Disons qu'on a eu beaucoup d'occasions de vraiment s'asseoir et profiter du festival en tant que festivalier. Mais de qu'est-ce que j'ai vu, ça a été une belle expérience, une belle année. Une troisième année, à mon avis, qui est couverte de succès au niveau là, de l'équipe de la SAJG. Espérons que la quatrième va être encore mieux. Et je leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Et pour ma part, vous allez pouvoir, vous avez entendu mes entrevues et vous pourrez suivre aussi certaines petites capsules qui vont être ajoutées aussi sur le site de Puissance Maximale. Je voudrais remercier d'ailleurs M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau. Je voudrais remercier M. Cécile, M. Bled, Ludo Outaouais. Je voudrais aussi remercier tous les autres invités. Là, j'en ai eu tellement. Anne-Marie, directrice de la Mascarade, M. Boudreau d'Eidos Montréal qui nous a fait une belle entrevue aussi. Je voudrais tous les remercier de leur participation et remercier l'équipe de Genimic qui nous a accueillis cette fin de semaine pour l'émission Puissance Maximale. Aussi, un petit rappel pour la fin de l'émission. Encore une fois, on vous le rappelle, CKIA est en crise. On invite tous les auditeurs de Puissance Maximale d'en parler aussi, d'acheter leur carte de membre pour permettre à CKIA de survivre. CKIA, c'est une radio indépendante. Indépendante, ça permet donc la circulation libre des idées, ainsi qu'un peu sortir du mainstream médiatique puis aller voir ailleurs, comme nous vous offre, entre autres, le concept de Puissance Maximale. Alors, on vous invite à être généreux, à même si vous voulez faire des dons, vous avez même déjà votre carte, vous avez envie de faire un don à CKIA, c'est toujours très apprécié, sur le site www.ckiafm.org. Alors, sur ce, c'est la fin de Puissance Maximale. Je remercie encore toute l'équipe. Je remercie Andrew Castagan et toutes les personnes qui ont participé à l'émission, qui ont été interviewées. Et je remercie évidemment M. François Gécouillard de nous avoir permis de venir couvrir ce magnifique événement qui est Genimé. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et pour les gens de Genimé, à l'année prochaine. Merci beaucoup. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die.